n'aie pas le doute que je t'oublie malgré moi. Que j'aime, oui, je les écris pour toi. Je vois le vide. Si.